Le parcours d'une entreprise est une aventure. Parfois, tous les problèmes semblent vous tomber dessus en même temps. Pour surmonter ces difficultés, vous avez besoin de quelqu'un à vos côtés qui vous guide, comme les conseillers Dell Technologies. Ils vous donnent tous les conseils pour vous aider à relever les défis auxquels vous êtes confrontés et arriver là où vous voulez aller en toute sécurité. Ah, contactez un conseiller Dell maintenant au 0801 800 001. Dell Technologies recommande Windows 10 professionnel pour les entreprises. On connaît tout de la Lune, ses moindres cratères, le plus petit caillou a été photographié et recensé. En revanche, on ne connaît que 20% des fonds marins terrestres. Mais Google Earth, me direz-vous, et ses cartes où sont représentées les dorsales océaniques, certes, vous répondrai-je, mais ce sont des représentations à très faible résolution et les 4/5 du fond des mers et des océans est encore globalement inconnu. Il faut dire que sonder le plancher océanique d'une moyenne de 4 km de profondeur n'est pas chose aisée, à tel point qu'on a longtemps cru que l'océan était insondable et sans fond. Comment cartographier et mieux connaître les abysses, c'est ce que nous allons tâcher de comprendre aujourd'hui. Cartographie océanique, on touche le fond, c'est le programme maritime qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour nous aider donc à cartographier ces fonds marins, on touche le fond du côté des titres de l'émission aussi, je vous rassure. Nous avons le plaisir de recevoir Julie Tourolle, bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes ingénieur de recherche en écologie marine au laboratoire Environnement Profond de l'IFREMER. L'IFREMER, je vous le rappelle, c'est l'Institut français de recherche pour l'exploration de la mer. Et Arnaud Gaillot, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes ingénieur hydrographe spécialisé dans la cartographie des fonds marins à l'unité de recherche en géosciences marines à l'IFREMER également. Mais on commence avec celle qui ne touche pas le fond, bien au contraire, mais qui cartographie chaque jour l'actualité scientifique la plus profonde. C'est Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence ce journal avec deux études parues hier dans la revue Clinical Infectious Disease. Le SARS-CoV-2 circulait déjà aux États-Unis en décembre 2019. Et ces deux études prouvent que le virus s'était déjà propagé sur le territoire américain bien avant le premier cas officiel détecté le 19 janvier 2020. Alors dans la première étude, les chercheurs du National Institute of Health ont examiné les échantillons de sang qui proviennent de la grande étude observationnelle All of Us et qui ont été prélevés dans tout le pays sur près de 24 000 personnes entre janvier et mars 2020. Puis ils sont partis à la recherche d'anticorps contre le SARS-CoV-2. Alors après avoir écarté les faux positifs, ils ont découvert 9 cas positifs qui proviennent de 5 états différents. Le premier cas remonte au 7 janvier dans l'Illinois. Dans la deuxième étude, les chercheurs du CDC ont analysé plus de 7000 échantillons de sang collectés par la Croix-Rouge de la mi-décembre à la mi-janvier 2020 et les tests sérologiques ont révélé 106 échantillons positifs. Alors comme on estime qu'il faut au moins 2 semaines pour créer des anticorps après une infection, cela signifie que plusieurs chaînes de transmission se sont produites aux États-Unis dans les environs de Noël 2019, avant que la propagation du virus ne décolle en février 2020. Voilà, et tous les détails sur cette étude sur notre fil Twitter, comme chaque jour, @laméthodefc. Et on passe au bref. Selon une étude parue dans la revue de Lancet, le variant Delta du SARS-CoV-2, ex-variant indien, entraîne plus d'hospitalisations. Oui, le variant Delta est environ 60% plus transmissible que le variant Alpha, précédemment appelé variant anglais. Et en Angleterre, il est à présent le variant prédominant et il représente 90% des nouvelles contaminations. Une équipe britannique a examiné les données démographiques, le risque d'hospitalisation et l'efficacité des vaccins en Écosse grâce à une base de données de soins sur 5,4 millions de personnes, soit la quasi-totalité de la population écossaise. Alors selon ce papier, le variant Delta double le risque d'hospitalisation. Mais bonne nouvelle, les vaccins offrent une forte protection La double vaccination se montre efficace à 80% contre le variant Delta, à condition seulement d'avoir reçu les deux doses. Une seule dose de vaccin n'offre qu'une protection de 33%. En ce moment même, Thomas Pesquet est en train de faire sa première sortie extravéhiculaire dans le cadre de la mission Alpha. Et c'est la troisième sortie spatiale de l'astronaute français avec toujours le même coéquipier, l'américain Shane Kimbrough, après leurs deux premières sorties orbitales en 2017. Alors depuis 14h jusqu'à 20h ce soir, sur leur scaphandre qui limite leur mouvement et face au vide spatial, les deux astronautes installent de nouveaux panneaux solaires sur l'ISS. La station spatiale internationale est vieillissante et ce sont des panneaux nouvelle génération pour augmenter la production d'énergie. Alors vous pouvez suivre l'intégralité de ces 6h30 de mission sur le YouTube de la NASA. Une seconde et dernière sortie est prévue ce dimanche. Voilà, et vous avez le lien une fois de plus sur notre fil Twitter @laméthodefc. Et pour finir, Natacha, selon une étude parue dans la revue Applied Animal Behavior Science, l'amour que vous portez pour votre chien n'est peut-être pas aussi réciproque que vous le pensez. Et ce sont les conclusions de cette équipe chilienne. Alors pour mesurer l'attachement d'un animal à son maître, les chercheurs ont demandé à 41 propriétaires de chiens d'évaluer leur lien chien-humain. Puis, ils ont fait passer aux animaux des tests d'attachement, les mêmes que l'on fait passer aux nourrissons. Un chien, son maître et un étranger sont présentés, séparés et réunis dans une pièce. Puis, troisième étape, ils ont ensuite équipé les chiens d'un collier GPS pour observer leurs déplacements, s'ils sont fugueurs ou non. Il se trouve que les scores inférieurs aux tests d'attachement sont liés à de plus grandes distances de fugue et dans l'ensemble, les propriétaires ont tendance à surestimer la force du lien et l'affection que leur chien leur porte. Voilà, une étude qui ne vaut évidemment que pour les chiens puisque Gaston est fou, raide, amoureux de moi, comme chacun sait. Merci beaucoup Natacha et à demain pour le prochain Journal des Sciences. L'essentiel des données de cartographie océanique dont nous disposons sont des données dites arithmétiques, c'est-à-dire que l'on mesure la déformation de la surface de l'eau pour inférer ce qui se trouve à quelques kilomètres en dessous de la surface, au sol donc. Mais ces mesures sont très imprécises, approximatives. De données détaillées de cartographie des fonds océaniques précises, nous n'en disposons que de 20%, soit un cinquième de la totalité de la surface du plancher océanique et principalement à proximité des côtes, là où la cartographie est la moins complète à réaliser. Parce que, eh bien voilà, le problème de la cartographie des fonds des océans, c'est précisément eh bien, les océans, puisque l'eau est un milieu difficile à sonder, qui absorbe beaucoup d'ondes, et pourtant, la connaissance du plancher maritime est absolument indispensable, tant pour notre connaissance générale des habitats et des écosystèmes sous-marins, que pour la compréhension précise de la géologie, du climat ou des courants océaniques. Alors comment procéder pour cartographier ces zones profondes, obscures, avec une pression extrêmement élevée? Pendant longtemps, la seule solution a été le bathyscaphe, inventé par Auguste Piccard. Écoutez sa voix dans notre archive du jour, nous sommes en 1946. Tout est équilibré. On le fait un peu plus lourd, il descend, comme un ballon quand il est plus lourd. Quand on veut arrêter la descente, on donne du lest, ça arrête. On veut redescendre, on tire la soupape, c'est-à-dire on lâche un peu d'essence d'un petit récipient spécial. Quand on veut remonter définitivement, on donne beaucoup de lest et on remonte. C'est très simple. Il y a 40 ans que j'y pense, j'y rêve. Mais il y a une dizaine d'années que j'ai étudié le problème de plus près. Donc, en gros, en ligne, vous le savez. Mais il y a des quantités de détails physiques qu'il faut étudier à fond pour être sûr qu'on évite tous les dangers. Il n'est pas difficile de descendre, on descendra toujours. Mais l'essentiel, c'est d'être sûr de remonter. Remonter en bon état. Ce qui est évidemment important, de remonter en bon état. Voilà Auguste Piccard, l'inventeur du bathyscaphe en 1946. Une réaction à cette archive, Julie Tourol? Oui, c'est incroyable de pouvoir... je pense que les premiers hommes à avoir plongé au fond de l'océan doivent se comparer un petit peu à ceux qui ont mis le pied sur la Lune. c'est assez incroyable de voir ce qu'il y a sous la mer et même de découvrir des habitats qu'on ne connaissait absolument pas. C'est votre spécialité, vous nous en direz un mot dans un instant. Arnaud Gaillot, vous travaillez particulièrement justement sur la technologie et l'appareillage pour cartographier les fonds marins. Ces bathyscaphes, on les utilise encore ? Oui, alors en fait, on les utilise, mais alors, c'est vraiment pour de l'exploration de détails, on va dire, hein, sur des certains sites très précis, dont l'extension spatiale est de quelques centaines de mètres, on va dire, pas plus, et ça permet vraiment d'avoir un lever très précis. Mais ça ne suffit pas pour cartographier l'intégralité des fonds marins. Donc c'est toujours d'actualité. À l'Ifremer, on a par exemple le Nautile, qui est le sous-marin le fameux qui permet d'aller à 6000 mètres de fond, voilà. Comment est-ce qu'on explique aujourd'hui, Julie Tourol, qu'on ne connaisse précisément qu'un cinquième du plancher océanique, de la surface du plancher océanique ? Bah, le problème, c'est qu'on est vraiment dans des zones peu accessibles. Quand on part pour explorer un écosystème, un environnement, on part 3-4 semaines et on couvre quelques kilomètres carrés, on explore quelques kilomètres carrés. Donc forcément, on a que des petites surfaces de couverte. Si on veut vraiment comprendre comment fonctionne un écosystème, on est obligé d'aller l'étudier de près, et donc on n'a pas une donnée générale sur une grosse zone. Mais enfin, il existe tout de même des cartes maritimes. On peut les voir si vous êtes déjà rentré dans le poste de commandement d'un navire. On voit bien qu'il y a des courbes de niveau. Donc on connaît à peu près tout de même, Arnaud Gaillot, les grandes lignes, le relief sous-marin. Oui, alors oui, on le connaît, certes, on le connaît effectivement, mais on le connaît avec un niveau de détail qui est très faible, en fait. Donc, principalement, comme vous l'expliquiez dans l'introduction de l'émission, en fait, on le connaît via des mesures qui sont indirectes, qui sont des mesures réalisées à l'aide d'altimétrie spatiale, donc de satellites qui, en fait, mesurent la déformation de la surface océanique et on en déduit, on en infère, comme vous disiez, la topographie, donc la forme des reliefs sous-marins, mais ça on le fait avec ça nous donne des données qui ont un niveau de détail qui est vraiment très insuffisant pour bien comprendre un certain nombre de choses. En l'occurrence, on a à peu près un niveau de détail qui est de l'ordre du kilomètre, voire de plusieurs dizaines de kilomètres. Donc c'est très bien pour comprendre un certain nombre de grandes structures, par exemple tout ce qui est lié à la tectonique des plaques qu'on arrive à expliquer et à imager grâce à cette technique-là. Mais il nous manque en fait un certain nombre de détails pour comprendre d'autres processus dans les océans. Et pour ça, on n'a pas le choix. En fait, il faut s'immerger dans le milieu en lui-même. Parce que l'eau a un inconvénient majeur, c'est qu'en fait, elle absorbe la plupart des ondes électromagnétiques, donc tout ce qui est de l'ordre, par exemple, de la lumière. On peut s'en apercevoir dans toutes les images sous-marines que vous observerez. Vous verrez qu'effectivement, au-delà d'un certain champ de vision qui est de l'ordre de quelques vingtaines de mètres, on n'a plus rien, c'est la pénombre totale. Et bien ça, c'est valable aussi pour tous les autres types d'ondes électromagnétiques, que ce soit les ondes radar, ainsi de suite. Donc on ne peut pas appliquer les technologies qu'on pourrait appliquer pour mesurer la topographie terrestre. Et donc on est contraint de s'immerger et d'utiliser des ondes acoustiques pour obtenir des mesures détaillées et de qualité. 20 mètres, c'est un peu plus pour qui a déjà fait un peu de plongée. On voit quand même au-delà de 40, 50, 60 mètres, on perçoit encore un peu de lumière de la surface, non ? Alors 60 mètres, c'est vraiment effectivement la limite. La limite maximale, ouais. Ouais. Au-delà de 60 mètres, il y a vraiment grand-chose. Voilà, donc c'est pour ça que sur les images, chacun a pu voir, j'imagine, des reportages hein, d'images de submersibles. Bah, on est obligé de, par exemple, quand on veut faire vraiment explorer avec l'aide de moyens optiques, on est obligé d'apporter son éclairage. Mais donc pour toutes ces raisons, on ne pourra pas utiliser les techniques employées pour la partie terrestre, et donc on va être obligé de se reposer sur un seul et unique moyen, qui est l'utilisation des ondes acoustiques. Voilà. C'est ce dont on va parler. Vous allez voir que les ondes acoustiques, ça a l'air bien, mais c'est aussi relativement compliqué à maîtriser. Gilles Tourol, aujourd'hui, quels sont les 20% que l'on connaît le mieux ? On imagine que ce sont les zones côtières, hein, pour des raisons de navigation très nettes, et puis parce que c'est moins profond. Mais il y a d'autres endroits qui ont été étudiés un peu plus précisément ? Oui, tout à fait. Donc les zones qu'on connaît le mieux, forcément, ce sont les zones côtières. Après, dans l'océan profond, nous on travaille beaucoup sur les dorsales océaniques, sur les cheminées hydrothermales. dont la première cheminée hydrothermale a d'ailleurs été découverte en 1977. Mmh. Après, on travaille sur d'autres types d'écosystèmes aussi, donc les coraux d'eau froide qu'on trouve qu'on peut trouver notamment au large de nos côtes, dans le golfe de Gascogne. On travaille aussi sur les écosystèmes de fluides froids. Mmh. On travaille aussi sur les zones qui pourraient être exploitées parce qu'elles recèlent de ressources minérales intéressantes comme les plaines à nodules ou comme les champs de sulfure. Mmh. Ou les hydrocarbures éventuellement, ça aussi c'est un des enjeux de la cartographie des fonds marins. Sûrement. Nous, on ne travaille pas sur les hydrocarbures, mais... mais il y a des gens que ça intéresse, néanmoins. Oui, je pense, oui. on peut penser ce qu'on en veut en période de réchauffement climatique, mais il y a néanmoins effectivement des travaux qui sont menés pour essayer de repérer quelles sont les zones qui pourraient effectivement abriter des gisements d'hydrocarbures. Mais on va parler, pas uniquement de ça, de la faune sous-marine, de la géologie sous-marine, et puis de l'importance de la cartographie et des différentes méthodes que l'on peut utiliser pour apprendre à mieux connaître ces planchers océaniques. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h15, nous parlons donc de cartographie océanique en compagnie de Julie Tourol et d'Arnaud Gaillot. Peut-être un petit mot historique, puisque on l'a entendu, hein, Arnaud Gaillot, c'est compliqué. Il faut utiliser des appareils acoustiques pour sonder les fonds marins. On verra qu'il y a aussi de l'altimétrie possible, mais on en parlera plutôt dans la deuxième partie de l'émission. Comment est-ce qu'on a commencé, avec quel type d'outils on a commencé à cartographier et à sonder les fonds marins? Alors, le plus ancien outil qui a été utilisé, hein, c'est le plomb de sonde, ce qu'on appelle le plomb de sonde. Donc en fait, c'est une petite masse de plomb qui est accrochée à un bout, un câble ou une corde, et qui est immergée dans l'eau. On le laisse filer et on attend en fait de sentir le mou dans la corde lorsque le plomb touche le fond. Et ensuite, on remonte le câble ou le bout et on compte la quantité de brasses qui sont remontées et on en déduit la profondeur du fond. Donc ça, c'est une mesure directe et ça, c'est très ancien. On n'en connaît pas vraiment l'origine précise. Ce qu'on sait, c'est qu'en tout cas, c'est la méthode qui a été utilisée jusqu'au début du XXe siècle. On sait que ça a été utilisé à la Renaissance lors des grandes explorations, entre autres par Magellan, qui a essayé de sonder le Pacifique à l'aide de ce moyen-là. Ça a également été utilisé donc au cours de toutes ces périodes-là, et ça a permis de produire les premières cartes bathymétriques. Mmh. Le Challenger, par exemple, l'expédition du Challenger au XIXe siècle, a permis de recueillir comme ça 500 profils. 500 points de sonde. Mmh. Mais le Challenger, je crois que c'est aussi cette expédition-là qui a identifié entre 1872 et 1876 la fosse des Mariannes. Mais la fosse des Mariannes, c'est 11 km de profondeur. Il faut 11 km de cordes. Ça fait beaucoup de cordes quand même pour sonder la fosse des Mariannes, non? Ouais, alors je ne pense pas qu'ils aient sondé la fosse des Mariannes, puisque c'est vraiment le problème de cette méthode-là, c'est qu'elle est entachée de biais méthodologiques. On ne peut pas en fait sonder par très grande profondeur, parce que de toute façon le frottement du courant sur la corde entraînerait une obliquité du bout, donc on n'aurait pas une profondeur verticale mais une profondeur en biais. Et puis il y a un autre problème fondamental, c'est qu'il faudrait un lest qui soit très très très lourd pour compenser le poids de la corde, pour sentir le mou en fait dans la corde, en tout cas la chute de la tension dans la corde. Donc c'est certainement pas par ce moyen-là qu'ils ont identifié la fosse des Mariannes. Julie Tourol, un mot historique, c'est à une femme qu'on doit les premiers relevés bathymétriques complets, exhaustifs, même s'ils sont pas encore très précis. C'est Marie Tarp qui a terminé la première carte de l'Atlantique Nord en 1957. Oui, tout à fait. Donc une américaine. Alors après, ouais, je suis assez impressionnée. Je ne sais pas comment elle a réussi à cartographier l'ensemble avec les moyens de l'époque. Mais comme le dit Arnaud, effectivement, peut-être avec des mesures à l'aide De plomb. Ouais, effectivement. Ah. Alors non, c'était pas l'aide de plomb. En fait, c'était parce que c'était au début du 20e siècle déjà, et donc on avait déjà d'autres outils pour mesurer les profondeurs, et c'était les premiers profils de sondeurs monofaisceaux, donc de sondeurs acoustiques monofaisceaux, qui ont permis de réaliser cette cartographie. Donc c'est la technologie acoustique qui a été maîtrisée en fait depuis la fin de la Première Guerre mondiale. C'est ça. Qui a été inventé justement. Donc c'est vraiment la rupture technologique entre le plomb de sonde et la naissance de l'utilisation des méthodes acoustiques, qui comme souvent est liée en fait à des conflits armés et des développements qui se passent dans le domaine du militaire et qui sont ensuite civilisés. En l'occurrence là, c'était l'objectif au départ de détecter des sous-marins allemands qui étaient pour la première fois très utilisés lors de ce conflit. Et donc, du coup, cette invention, cette idée d'utiliser les ondes acoustiques pour détecter des objets s'est transformée en outil qui permettait de mesurer les profondeurs. Et donc, c'est ces premières données-là qui ont permis à Marie Tarp de réaliser effectivement la première carte complète, on va dire, et suffisamment détaillée de l'Atlantique Nord, qui a permis, entre autres, d'apporter les derniers éléments, dernières preuves objectives, qui permettait d'assurer la naissance de la tectonique des plaques et de valider cette théorie-là, en fait. Oui, c'est ça. D'ailleurs, on vient de publier la carte, parce que l'Atlantique Nord, c'est 57, mais c'est 20 ans plus tard, la cartographie complète des fonds océaniques. On vient de vous poster cette carte que vous connaissez certainement et qui montre effectivement très très nettement les dorsales océaniques. Et c'est intéressant parce qu'effectivement, comme vous le disiez, Arnaud Gaillot, ça vient confirmer qu'il y a bien une tectonique des plaques, alors que cette théorie, on y avait consacré une émission entière, était encore discutée au milieu du XXe siècle. Ouais, tout à fait, effectivement. C'était, en fait, il manquait une preuve qui était la preuve de l'existence de cet écartement des continents. Donc, il fallait prouver ça. Et en fait, grâce à la précision des mesures, elle a pu mettre en lumière l'existence d'un rift au centre des dorsales océaniques, donc le pendant de ce qu'on peut voir en Afrique de l'Est, là où effectivement il y a aussi la naissance d'un futur océan avec un rift. Et du coup, ça a permis de prouver c'est la création de croûtes océaniques à cet endroit-là qui produit l'écartement des continents relativement les uns aux autres entre l'Europe et l'Amérique. Comment ça se passe? Expliquez-moi, Arnaud Gaillot, puisque vous avez parlé tout à l'heure de sondes monofaisceaux. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment le principe acoustique, je pense qu'on peut le comprendre rapidement, mais il y a différents types, hein. Il y a monofaisceaux, multifaisceaux, et c'est toujours des procédés quand même relativement lourds parce qu'on ne peut pas scanner de grands espaces d'un seul coup, quoi. Il faut procéder par petits bouts. Alors le monofaisceau, c'est l'ancêtre, on va dire, technologique de tous les sondeurs qu'on utilise actuels. C'est effectivement un appareil qui permet de mesurer la profondeur de manière indirecte. En fait, on mesure le temps que met une onde acoustique pour parcourir le temps aller-retour entre l'émetteur qui est sur le bateau et le réflecteur qui constitue la surface des fonds marins. Mais donc, comme son nom l'indique, le monofaisceau ne nous donne qu'une mesure, ce qui est en fait la mesure moyenne dans un cône d'insonification. Donc, ce cône, sa surface augmente à mesure que la profondeur augmente, bien sûr. Et donc, ça, c'est ce qui a été utilisé depuis les années 20 jusqu'aux années 70. Et en 77, alors c'est marrant parce qu'effectivement, ça coïncide parfaitement avec la publication de la carte de Marie Tarp. Mais en 1977, c'est à cette date-là que le premier sondeur multifaisceau a été utilisé sur un navire civil. Et donc là, l'intérêt, c'est qu'effectivement, au lieu d'avoir un seul point de mesure, on en a simultanément plusieurs. Donc en l'occurrence, à l'époque, on en avait 16 faisceaux. Donc ça veut dire que lors d'une émission d'onde acoustique, on a 16 points de mesure répartis de bâbord à tribord, qui sont simultanément mesurés et positionnés sur le fond. Donc ça, en fait, ça nous permet de couvrir une large bande de terrain à mesure que le bateau avance, et donc de pouvoir comme ça cartographier de très grandes, de vastes étendues à mesure que le bateau avance et en fonction de la trajectoire du bateau. Et donc de ces 16 faisceaux en 1977, maintenant on est passé à des sondeurs qui nous permettent d'avoir jusqu'à 880 faisceaux, donc 880 points de mesure simultanément à chaque émission acoustique. Donc ça nous permet d'avoir effectivement un très grand éventail de données et de couvrir de vastes surfaces. Alors tout ça, bien sûr, c'est dépendant de la profondeur à laquelle qu'on souhaite cartographier. Ça marche bien pour des fonds qui sont relativement profonds, parce que donc du coup, faut imaginer que ces faisceaux représentent un éventail en fait, et donc la surface qui est couverte, à mesure que la profondeur augmente, la surface qui est l'intersection de cet éventail avec le fond augmente aussi. Mmh. Donc ça, ça permet de couvrir effectivement des fonds profonds. Par contre, on se heurte à une limitation qui est l'utilisation de ces appareils-là dans le domaine très côtier, où là, la surface couverte, elle va être vraiment très faible au regard du temps qu'on va y passer. Donc ce sont finalement ces zones-là qui sont les zones qui sont les plus difficiles à cartographier et pour lesquelles on aura bien du mal, je pense, dans un avenir très proche, à avoir des cartes très détaillées. Oui. Alors que paradoxalement, ce sont aujourd'hui les zones qui sont les mieux cartographiées. Eh bien, les zones qui sont les mieux cartographiées quand on est vraiment très très proche des côtes. Oui. Mais par exemple, on manque d'informations à mesure qu'on s'éloigne sur les zones de plateau continental, c'est-à-dire entre on va dire 30 mètres et 200 mètres de profondeur. D'accord. Donc vraiment les mers, la mer proche des côtes. Et sur ces zones-là, on manque d'informations parce que vraiment, on consommerait énormément de temps à faire ce type de levée. Donc il a été calculé par exemple que pour couvrir vraiment cette zone-là entre 0 et 200 mètres, il faudrait environ 619 ans à un navire qui naviguerait à 8 nœuds pour couvrir toute cette zone-là à l'échelle du globe. Ouais. Ce qui est beaucoup. Donc ça permet de mesurer l'écart qui nous reste à parcourir. C'est beaucoup pour une seule personne. Ces relevés, donc, ce sont évidemment des relevés bathymétriques, mais on peut obtenir d'autres types d'informations qui sont des informations notamment géologiques assez précieuses. Ah, tout à fait. Alors, les données bathymétriques sont la donnée de base qu'on utilise, parce que nous, on fait essentiellement de la cartographie des habitats, donc on s'intéresse aux espèces, aux animaux qui vivent sur les fonds. Et donc, la bathymétrie est la donnée de base, ainsi que la sédimentologie, donc les sédiments qu'on trouve au fond. Et c'est vrai que pour acquérir ce type de données, on n'a pas beaucoup de choix. On doit soit faire des prélèvements, soit aller voir. Mmh. Et donc c'est vrai que les premières observations d'animaux, d'espèces sur le fond de la mer, on les doit aux pêcheurs qui, en pêchant ou avec une drague ou un chalut, pouvaient ramener des spécimens. Par exemple, dans le golfe de Gascogne, la première carte où on recensait, par exemple, les espèces que l'on trouvait dans le golfe de Gascogne date des années 50. Mais c'est vraiment à la fin des années 70 qu'on a réussi à avoir un atlas un atlas à une échelle de 1/500 millième, donc vraiment une petite échelle, de grande surface, des fonds meubles du golfe de Gascogne. Et donc ça, c'était les Chassé et Glémarec en 1976. Et on a la même chose par Louis Cabioche en Manche. D'accord. Mais vraiment, ces données, on les acquiert avec... c'était des prélèvements à la benne. Mais aujourd'hui justement, Julie Tourelle, je crois que vous partez dans pas très longtemps, bien justement avec Arnaud Gaillot pour une session de relevé. Concrètement, comment ça se passe? C'est-à-dire que quand vous partez en mer, racontez-nous un peu ce qui se passe pendant ces 3 semaines, 1 mois où vous allez explorer une surface déterminée. Comment vous vous organisez? Quel type d'informations vous récupérez? Avec quel type d'instruments, etc. Oui, donc effectivement, on a un nouveau projet qui s'appelle le projet Shérif, Reef comme récif en anglais. Donc c'est un projet qui, dans le cadre d'un projet européen MARA, Marine Habitats, qui va étudier les habitats Natura 2000, donc de la directive européenne Natura 2000. Et donc on se propose d'étudier plus en détail les habitats de coraux froids du golfe de Gascogne. Donc dans le cadre de cette campagne, on va partir, donc c'est dans un canyon qui se trouve au large de Brest. Donc on est à peu près à 350 km au large de Brest, sur le talus continental qui est entaillé par plusieurs canyons. Et donc on va aller étudier un canyon en particulier qui s'appelle le canyon de l'Empole. Et l'objectif de cette campagne, c'est de décrire et de comprendre la distribution des récifs coralliens à l'échelle du canyon, mais aussi comprendre comment vivent ces espèces comment elles se reproduisent, comment elles se nourrissent. Et donc on part là pendant 5 semaines à bord de la Thalassa avec le rove hybride de l'Ifremer qui s'appelle Ariane. Alors, justement, parlez-nous un peu de cette Ariane, ou en tout cas des instruments, des outils, des robots et des drones, Arnaud Gaillot, que vous utilisez dans ce type de campagne. Comment ça marche? Comment vous répartissez les tâches? Et quel type d'informations chacun d'entre eux vous transmet? Oui, alors effectivement, pour compléter ce que vient de dire Julie, donc on va effectivement aller dans explorer ce canyon, et un des objectifs est de réaliser une cartographie précise de ce canyon. Donc par précise, on entend une cartographie bathymétrique avec une résolution de 1 mètre, c'est-à-dire qu'on aurait au final un modèle numérique de terrain, donc qui nous donnerait un point de bathymétrie tous les mètres pour décrire ce relief-là. Et pour arriver à ce résultat-là, effectivement, on n'a pas le choix. Il faut qu'on utilise des engins qui se rapprochent de la cible à cartographier. Donc, on va utiliser des engins sous-marins. Donc, on va effectivement avoir un ROV. Donc, c'est un robot téléopéré depuis le bateau qui est équipé d'un sondeur multifaisceau. Donc, le but étant de rapprocher ce sondeur multifaisceau du fond pour augmenter la résolution de nos mesures, pour avoir des mesures de plus en plus détaillées. Donc on va utiliser ça. Donc ça, c'est piloté depuis le bateau par des opérateurs qui lui définissent une trajectoire. Mais on va également compléter les mesures. Donc ça, ce sera 2 jours. Et de nuit, on va compléter les mesures par ce qu'on appelle un AUV, donc Autonomous Underwater Vehicle, donc un véhicule qui est autonome sous-marin, donc qui est à sa propre prise de décision, à sa propre intelligence, on va dire, et qui est programmé pour effectuer un certain nombre de tâches. Donc lui, on va lui assigner un plan de navigation qu'il va suivre pendant une dizaine d'heures. Et lui aussi est équipé d'un sondeur multifaisceau, le même appareil que sur le ROV, et va nous permettre de compléter ses mesures bathymétriques très précises pour, à la fin, constituer une cartographie de ce canyon-là. Et donc ça va se faire sur plusieurs plongées étalées sur plusieurs jours. Ce sont des plongées à combien de mètres de profondeur? Alors là, on est entre 1000, autour de 1000 mètres, 1500 mètres, et on va aller jusqu'à 2500 mètres, si je ne me trompe pas, Julie. On commence aux alentours de 500 mètres. D'accord. Ah oui, voilà, on commence plutôt, ok. On commence à 500 mètres et la plongée maximum est de 2005? Oui, c'est ça. Et le plancher océanique est à combien? On ira jusqu'à 2005. De toute façon, après, ça descend. On n'ira pas plus bas. Ariane ne pourra pas aller plus bas. Effectivement, les outils qu'on utilise là, les deux engins, ne peuvent pas aller plus profond. Alors après, par plancher océanique, effectivement, tout dépend de l'endroit où on se trouve. Donc là, la plaine abyssale à proximité du canyon est effectivement autour de 2500 mètres. Voilà. Mais les profondeurs moyennes des océans, c'est à peu près 4000 mètres. Donc c'est à peu près 50% de la surface océanique qui est à peu près autour de 4000 mètres. On va aller justement à la rencontre d'un des AUV pour donc Autonomous Underwater Vehicle, pour véhicule autonome sous-marin, l'un des petits derniers de l'Ifremer qui s'appelle Ulix. Et puis on va continuer à parler de la façon dont on peut continuer à explorer ces sous-sols marins également depuis l'espace. Reasons abound for you to turn around, but to honor your crown you'll knuckle down. Hurdles abound, but you'll knock them all down. What good's a crown if you can't trample down? And around we roll, digging deep and slow. In slow motion we roll towards a waning glow. And around we roar, digging deep and slow. In slow motion we roll towards a waning glow. Bully a child to a cheering crowd. Every stunt you found, name and shame and play the reckless clown. He who draws a line in the sand these days is bound to drown. And around we roar, digging deep and slow, in Towards the Waning Glow des Stranded Horses à 16h35 sur France Culture. Contrairement aux apparences, il s'agit bien de musique française, puisque toujours dans la méthode scientifique. Depuis le deuxième confinement, nous avons fait le choix via notre réalisateur Olivier Bétard de soutenir la scène musicale indépendante française en cette journée d'inauguration de la Maison de la Radio et de la Musique, puisque la Maison de la Radio change de nom. Il y a un concert géant devant sur le parvis de la Maison de la Radio auquel vous pouvez assister, qui est retransmis sur les différentes ondes de Radio France. Mais pour ce qui nous concerne, nous sommes encore ensemble pendant une demi-heure pour parler des fonds océaniques et des problèmes liés à la cartographie de ces planchers océaniques. Nous en parlons avec Julie Tourolle, qui est ingénieure de recherche en écologie marine au laboratoire Environnement Profond de l'Ifremer, et Arnaud Gaillot, qui est ingénieur hydrographe spécialisé dans la cartographie des fonds marins, également à l'unité de recherche en géosciences marines à l'Ifremer. Nous sommes donc intéressés à l'un de ces fameux véhicules qui peut plonger relativement profondément, plus profondément en tout cas que les 2500 mètres évoqués précédemment. Ce véhicule, il s'appelle Ulix, il devrait être disponible d'ici 2 ans. C'est un drone donc océanique multifonction, capable de plonger jusqu'à 6000 mètres. Tom Umgenstock, vous avez rencontré le président du comité scientifique du projet Ulix. Bonjour Tom. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Et oui, pour connaître les fonds marins, il faut encore et toujours s'enfoncer loin dans les océans. Javier Escartin, qui est aussi professeur des géophysiques associé à l'ENS, m'a expliqué en quoi le sous-marin Ulix va perfectionner l'observation des abysses que mène la flotte océanographique française. Il y a donc sa capacité de plongée. 6000 mètres de profondeur, c'est une première en France pour un sous-marin autonome, ce qui permet d'accéder à bien plus de surface, d'avoir une meilleure résolution d'image et une cartographie plus fine de l'océan profond. Grâce à ça, Ulix, le sous-marin qui est vraiment jaune, sera aussi un éclaireur pour des robots téléopérés qui prendront sa suite. Mais il y a aussi le fait qu'il mène plusieurs mesures à la fois pour détecter par exemple du méthane, l'ADN d'animaux, une bioluminescence ou encore des structures volcaniques, ce qui réduit le nombre de plongées. Ulix a déjà plongé, mais il doit encore valider tous ses systèmes pour que la communauté scientifique y ait accès d'ici 2023. Ulix est un robot, c'est un système robotique, c'est un robot autonome, donc c'est préprogrammé, donc, et il travaille au fond de la mer tout seul. Donc c'est un engin assez grand, ça fait environ 4,5 mètres et ça fait plus de 2 tonnes. Une des caractéristiques uniques de ce système, c'est la profondeur à laquelle il peut atteindre, c'est 6000 mètres, donc ça nous permet de travailler sur plus de 95% des océans, de cartographier les fonds, mais aussi étudier la colonne d'eau. Et c'est aussi une plateforme d'instrumentation pour étudier l'océan profond, à la fois pour faire la cartographie, mais aussi pour mesurer des paramètres physiques et chimiques dans la colonne d'eau pour la sonographie, et aussi pour des observations de type biologique. Et du point de vue géologique, il y a 3 instruments majeurs, si j'ai bien compris. Sondeur multifaceau, sonar d'imagerie et sondeur de sédiments, j'imagine qu'ils sont complémentaires. Oui, ils sont complémentaires. Un instrument clé pour nous, c'est le sondeur multifaceau. Ça nous permet de faire des cartes de très haute résolution, jusqu'à 1 mètre de résolution, même 50 cm, selon la hauteur par rapport au fond. On a un système qu'on appelle des sonars, qui permet de faire comme des photographies acoustiques du fond de la mer, mais à des résolutions très élevées, jusqu'à 10 cm. Donc ça permet détection des objets très précises et caractérisation des objets très précises. Et on s'intéresse à ce qui se passe plus bas qu'au plancher océanique. Donc on a des capteurs acoustiques qui permettent de pénétrer les ondes acoustiques sous le plancher océanique, avoir les retours et comprendre les structures, par exemple des sédiments, la sédimentation et présence des fluides, par exemple. Ce drone autonome se préoccupera aussi beaucoup de questions écologiques et de biologie. Oui, donc notre recherche est pluridisciplinaire. Moi, je suis géologue, donc j'ai beaucoup plus d'expertise dans des processus volcaniques, tectoniques, sédimentaires. Mais pour l'écologie, il y aura des applications importantes. Il y a un nouveau capteur qui va être mis en place pour échantillonner l'eau, par exemple, pour l'ADN. Qu'est-ce que c'est le contenu d'ADN de la colonne d'eau? On ne pourra pas échantillonner les animaux, mais on pourra détecter leur présence à partir de l'ADN environnemental. On peut faire des capteurs de bioluminescence, ça c'est un proxy pour l'abondance de certains organismes qui produisent la lumière. Il y a des détecteurs chimiques qui peuvent être reliés aussi à la biosphère et bien sûr tous les paramètres physiques et chimiques de l'eau. Alors du point de vue biologique, chimique et écologique, qu'est-ce qu'on a envie de comprendre, de savoir en priorité? Est-ce qu'il y a l'une ou l'autre grande question qui nous intéresse plus et que Ulix va permettre de résoudre ou de mieux comprendre? Je crois qu'il y a un manque de connaissances fondamentales de l'océan profond du point de vue biologie, biodiversité et les fonctions que ces organismes ont dans les systèmes, dans l'écosystème en général. Donc toute information que vous pouvez acquérir avec Ulix sur cette zone-là, ce sera une contribution importante pour arriver à cette compréhension. Finalement, c'est bien du point de vue géologique que biologique et chimique. On parle d'un domaine scientifique où c'est encore finalement de l'exploration scientifique. Oui, je crois dans beaucoup de recherches océanographiques et surtout dans l'océan profond, on est à la frontière de l'exploration. C'est la frontière recherche-exploration. Et si on regarde beaucoup des grandes découvertes qu'on a fait en océanographie géologique, biologique, ça n'était pas planifié, c'était des découvertes faites pendant des explorations des zones inconnues. Donc on peut attendre qu'avec Ulix, on pourra faire des grandes avancées scientifiques, mais qu'on ne peut pas prévoir en ce moment, parce que c'est l'inconnu. Pour l'instant, Ulix n'est pas encore en train de faire toutes ses opérations, toutes ses recherches. Il y a encore quelques étapes d'ici là pour étalonner un petit peu ses recherches, pour mettre en place ses capteurs, pour faire quelques tests. Donc Ulix a été, disons, reçu par l'IFREMER, qui est en train de mettre en place le système pour après les transférer à la flotte océanographique française de façon opérationnelle. Il a été reçu en fin 2020. Là, il est en phase des tests, parce que c'est l'ingénierie de l'IFREMER qui va mettre les cerveaux, tous les systèmes de contrôle de navigation et toute l'interface avec les instruments. Mais on attend que pour 2023, Ulix soit disponible pour toute la communauté française pour la recherche de l'océan profond. Est-ce qu'il y a un lieu en particulier ou un type de fond marin sur lesquels on va se concentrer en priorité? Ulix sera mis à disposition de la communauté et c'est la communauté à travers des projets de recherche qui va définir l'utilisation. Donc ça, il faudra attendre les projets qui sont soumis, acceptés et programmés pour la recherche. Après, il y a d'autres types d'utilisation d'Ulix qui sont liés à des activités économiques, industrielles ou stratégiques établies par les gouvernements français, par exemple. Donc, il pourrait y avoir des applications qui sortent du cadre de la recherche. Voilà donc la présentation de ce futur Ulix. Une réaction, Arnaud Gaillot, à ce futur robot star de l'IFREMER pour cartographier et analyser les fonds marins? Eh bien oui, on attend avec impatience son arrivée dans la flotte. Alors les premiers tests sont prévus normalement en début 2022 et il y aurait une première mission qui mettrait en œuvre cet engin en juillet 2022. Voilà, justement sur une zone de la dorsale atlantique nord au niveau du permis d'exploration minier que détient la France à cet endroit-là. Donc voilà, donc on espère que ça va nous permettre effectivement de dépasser les limites qu'on a évoquées juste avant le reportage, qui étaient les limites de 2500 mètres, là, des deux engins que nous allons utiliser cet été. Et donc qui va nous permettre effectivement d'obtenir des relevés très détaillés à des profondeurs très élevées. Julie Tourou, une réaction à ce reportage et à l'arrivée prochaine d'Ulix dans la flotte de l'Ifremer? C'est un outil qui est vraiment intéressant parce qu'il est innovant et surtout multifonction. Et ce qui nous intéresse, nous particulièrement pour la cartographie des habitats, c'est qu'il va pouvoir faire des photos. Et on va pouvoir avoir beaucoup de photos des fonds marins, et ce qui nous permettra de mieux cartographier, de mieux connaître ces fonds. Et on a aussi, on essaie de développer également de nouvelles techniques où, qui nous permettraient de cartographier les habitats à partir des données de sondeurs multifaisceaux pour essayer de détecter automatiquement les habitats, ce qui nous permettrait aussi de cartographier plus facilement ces habitats et de manière, comme je disais, plus automatique. Plus automatisée. Concrètement, ça se passerait comment, ces nouvelles techniques pour sonder automatiquement les habitats? Quel type d'informations seraient analysées, recherchées par ce robot? En fait, quand on utilise les données SMF pour cartographier les habitats, on utilise donc la bathymétrie, qui est la donnée bathymétrique qui est acquise, ainsi que les dérivés que l'on calcule, comme la réflectivité ou la texture. Et en fait, on permet, en fonction des différentes signatures acoustiques, on peut associer à chaque signature un habitat. Et après, on a des logiciels qui permettent de reconnaître en fait la signature et l'associer à un habitat. Et c'est ce qu'on va faire en fait dans le cadre de la campagne Shérif, à partir des données acquises sur de sondeurs multifaisceaux acquises sur le canyon de Lampol. On a une postdoc qui est en train de travailler sur la méthodologie à mettre en place pour automatiser cette cartographie. Ce qui est intéressant, c'est que avec ce drone sous-marin Ulix, la France devient, je crois, je parle sous votre contrôle, Arnaud Gaillot, la quatrième nation qui est dotée de ce type de robot autonome, parce que, comme on le disait tout à l'heure, a priori, ce type de robot autonome, c'est soit plutôt les compagnies pétrolières qui en disposent, soit plutôt éventuellement, et avec des points d'interrogation bien sûr là-dessus, les militaires. Oui, alors en fait tout à fait, il ne faut pas négliger le fait que effectivement dans le monde industriel, il y a aussi beaucoup de financements qui permettent d'obtenir des engins très très très très perfectionnés, hein, qui permettent de faire des levées très précis par des grandes profondeurs. Donc dans le domaine académique, effectivement, ce genre de financement est parfois un peu plus difficile à obtenir. Donc ce type d'engin se fait un peu plus rare. Mais effectivement, parmi les industriels des compagnies pétrolières ou même minières, puisque maintenant il y a un engouement aussi réel sur l'exploitation des minerais en eau profonde. Et d'ailleurs, les compagnies pétrolières s'orientent vers ce type de ressources. Du coup, il y a effectivement des besoins de cartographie précise et du coup des études et des financements pour développer ce type d'engin, que ce soit pour de la surveillance d'appareils d'extraction pétrolière ou d'extraction minière par grande profondeur. Donc effectivement, c'est ce type d'engin autonome, hein, c'est vraiment l'avenir en fait pour explorer les océans, puisqu'en fait je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai évoqué ça, le faire depuis la surface avec un navire, ce serait très long. Cartographier, alors quand je dis cartographier, c'est évaluer les reliefs, la forme des reliefs marins depuis la surface. À 100%, ça serait à peu près 1000 ans avec un seul navire, ou 1000 navires par an, mais c'est des ressources que nous n'avons pas et que personne n'a. Voilà, donc effectivement, le seul moyen de multiplier les plateformes d'observation, c'est de les réduire et de les rendre autonomes, de manière à ce qu'elles fassent ces observations pour nous, dans les zones les plus proches, enfin le plus proche possible du fond, pour avoir un maximum de détails. Donc c'est vraiment l'AUV, les AUV qui sont le vecteur d'avenir pour ce type d'observation. AUV, je rappelle, hein, que c'est Autonomous Underwater Vehicle, véhicule sous-marin autonome. Juste par curiosité, le budget pour développer ce type de drone sous-marin, c'est combien à peu près, Arnaud Gaillot? Alors, vous me posez une colle. Je dirais que je pense que l'unité serait le million d'euros, mais voire plus. La dizaine. Voilà, c'est bien ce qui semblait. Voilà. La dizaine de millions d'euros. Oui. Voilà, j'ai pas trempé particulièrement dans la construction du projet. Moi, je serais un utilisateur attentif de l'outil, mais effectivement, je connaissais pas les montants en œuvre. Je savais que c'était à peu près ce type de grandeur là. C'est ça. Dernière question sur ce type d'instrument. On l'a dit, hein, Ulix va descendre à 6000 mètres. La profondeur moyenne du plancher océanique, c'est 4 kilomètres. Il y a beaucoup d'endroits où on peut aller au-delà de 4 kilomètres, à 6, voire plus profond. Ça concerne une grosse surface du plancher océanique? Alors, en deçà de 6000 mètres, non, c'est très peu, hein, c'est à peu près 10%, 10-15% de la surface océanique. Mais ce sont des zones qui sont des zones d'intérêt, puisque par exemple, quand on souhaite étudier, par exemple, les dorsales océaniques, il s'avère que le rift, la vallée qui est au centre de la dorsale, peut descendre à ces profondeurs-là, à 6000 mètres, et c'est des zones d'intérêt pour beaucoup de domaines de recherche, donc que ce soit effectivement du côté biologique, par exemple pour Julie qui s'intéresse aux habitats, donc ce sont des zones où il y a un foisonnement de vie, ce sont aussi des zones qui sont d'intérêt au niveau des ressources minérales, donc ça c'est d'un point de vue géologique, parce qu'elles concentrent aussi de nombreux minéraux et métaux. Donc voilà, donc pour ce type pour explorer ces zones-là, on a besoin d'engins qui vont aussi profond que ça, mais ce sont effectivement que 15, entre 10 et 15% de la surface océanique. Julie Tourol, Ulix, ça permet maintenant, grâce à ce nouveau véhicule, de détecter des micro-anomalies beaucoup plus fines qui peuvent être comprises comme de la présence de vie, là où c'était avant des procédés beaucoup plus compliqués, qui demandaient plus d'appareils, c'est ça? Oui, tout à fait. Il permet de détecter des émissions de méthane, bah des bulles en fait dans la colonne d'eau, et on sait qu'il y a un foisonnement de vie justement à côté de ces émissions, et le fait de les repérer grâce à un AUV permet après d'y aller avec un robot comme Victor et d'aller voir plus précisément la faune qui se développe dans ces environnements. C'est ça, et de prendre quelques photos. Arnaud Gaillot, les Américains, eux, ont développé une technologie et des AUV qui descendent plus profond, jusqu'à 10 000 mètres. C'est quoi la différence en termes technologiques pour faire 4 km de plus? La différence, ça doit résider principalement dans le prix. Oui, il y a vraiment pas un rapport linéaire en fait entre les profondeurs et les capacités de profondeur et le prix, hein, bien sûr, pour les quelques milliers de mètres supplémentaires, c'est souvent plusieurs fois le prix initial. Donc, je pense que la principale différence, c'est essentiellement dans la capacité de la structure à supporter de telles pressions. Sinon, je pense qu'au niveau équipement scientifique, ce sont des équipements qui sont comparables. Donc, c'est vraiment au niveau de la structure du vecteur qui est dimensionné pour supporter des pressions plus fortes et plus importantes. Quelles sont aujourd'hui les campagnes en cours? Je crois qu'il y a une campagne japonaise, une campagne européenne également. Julie Tourol, l'objectif, c'est d'obtenir quand même d'ici quelques années, quelques dizaines d'années, une cartographie globale plus détaillée de l'intégralité des fonds océaniques. Oui, c'est vrai qu'il y a le projet CIBED 2030 qui souhaiterait cartographier l'ensemble des fonds océaniques d'ici 2030. Par contre, peut-être qu'Arnaud peut plus facilement en dire un mot. Arnaud Gaillot. Oui, alors effectivement, en fait, on l'a vu, hein, le problème de cartographier les 80% restants qui n'ont pas été explorés. Donc, vous l'aviez dit très justement en introduction, il y a effectivement que 20% qui ont été explorés par des mesures directes, par acoustique. Et donc, l'idée est effectivement de combler ce manque, cette lacune. Et donc, pour ça, il y a eu un projet international qui s'est monté, qui s'appelle CIBED 2030 et qui a été en fait catalysé par la catastrophe aérienne du vol de la Malaysian Airlines MH370 qui s'est abîmé, on suspecte, au large de l'Australie, à l'ouest de l'Australie, dans l'océan Indien. Et on s'est aperçu qu'en fait, pour rechercher l'épave de cet appareil, on manquait cruellement d'informations concernant les fonds marins. Et donc, pour détecter une anomalie sur ces fonds marins, on n'avait pas finalement la carte de base de détails suffisamment détaillée pour rechercher cette épave. Et donc, ça a mis en lumière ce manque de connaissances. Donc, l'idée, c'est que c'est un consortium international qui essaye, dans un premier temps, de rassembler déjà toutes les données qui ne sont pas mises en commun, puisqu'en fait, il y a des efforts internationaux qui existent. Par exemple, la GEPCO, pour General Bathymetric Chart of the Ocean, qui est un projet international antérieur et qui déjà visait à rassembler les données acquises de par le monde. Mais ce projet-là, lui, c'est vraiment un catalyseur qui vise à accélérer ça et à essayer d'aller chercher dans les armoires de tous les instituts de recherche les données bathymétriques qui existent. Déjà, ça nous permettrait de combler un certain nombre de trous. Et puis, l'idée est aussi, à l'issue de cette étape-là, de lancer des missions de cartographie pour vraiment acquérir de nouvelles données. Alors là, ce serait effectivement des données qui seraient acquises principalement via des vecteurs autonomes, donc les AUV dont nous avons parlé, ou des procédés proches du crowdsourcing, en fait, où on cherche à équiper les bateaux de, que ce soit les bateaux de marine marchande ou les bateaux de plaisance, d'instruments qui permettraient de cartographier la bathymétrie des fonds marins. Donc le projet repose là-dessus. Alors l'objectif d'atteindre les 100% d'océans cartographiés d'ici 2030, je pense qu'il est un peu très ambitieux. Utopique. Oui. Voilà, il est très ambitieux, voire utopique. L'objectif qu'il se fixe, c'est d'arriver à vraiment détailler et cartographier toutes les structures dont l'extension spatiale serait supérieure à 100 mètres. Donc c'est déjà un objectif qui est assez ambitieux, mais qui est peut-être atteignable, sachant que les cartes dont on dispose actuellement, entre autres la dernière version de la carte GEPCO, elle nous donne une taille de modèle numérique de terrain de 500 mètres. Donc on serait largement inférieur à ce qui existe actuellement. Et ce aussi uniquement grâce justement aux véhicules autonomes et aux petits drones dont on parle, ou est-ce que on a fait des progrès également en altimétrie et en cartographie depuis l'espace? Alors, depuis l'espace, en fait, on va être toujours limité, pour l'instant, on est toujours limité au fait qu'on se situe très loin de la cible qu'on souhaite observer. Donc, les satellites qui produisent ces données d'altimétrie satellitaire sont à peu près à 1300 km d'orbite de la Terre, de la surface de la Terre. Et donc, comme ils font en plus une mesure qui est indirecte, et on est très limité en termes de résolution, on peut vraiment difficilement aller à l'encontre de ce principe fondamental qui est que lorsqu'on se situe loin de la cible à observer, on a forcément un niveau de détail qui est beaucoup plus faible. Moindre. Du coup, effectivement, ça va vraiment reposer plutôt sur de la cartographie acoustique, puisqu'on, pour l'instant, à l'heure actuelle, c'est vraiment le seul moyen qu'on ait d'obtenir une bathymétrie détaillée. Après, il existe d'autres technologies qui permettent d'augmenter ce type de jeu de données, on va dire mondial, près des côtes. C'est l'utilisation du LIDAR, qui est un laser, donc une impulsion laser, qui elle va se propager dans les quelques premières dizaines de mètres de profondeur de la partie côtière des océans, et va permettre de faire des mesures qui cette fois-ci seront aéroportées, donc à l'aide d'un avion, et de couvrir de plus grandes surfaces en moins de temps. Mais encore une fois, comme ça repose sur l'utilisation d'ondes lumineuses, donc d'ondes électromagnétiques, on va être limité aux quelques premières dizaines de mètres, et pour des fonds qui sont plus profonds que 50-60 mètres, on n'aura pas de possibilité de les mesurer via ce moyen-là. Un mot de conclusion, Julie Tourol, vous allez déposer dans les campagnes que vous allez faire, je crois que vous faites une campagne tous les étés dans le golfe de Gascogne, vous déposez aussi et vous laissez tourner au fond des océans des petits laboratoires autonomes? Oui, tout à fait. Alors, dans le cadre de cette campagne Shérif, on va déployer un observatoire qui va nous permettre un observatoire fond de mer qui sera posé sur le fond et qui va nous permettre de faire des mesures et surtout de filmer les coraux, un récif de coraux, et de comprendre vraiment le fonctionnement des polypes, donc les petits animaux. Qui sont les coraux. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir une multitude d'images, et chaque citoyen pourra nous aider à annoter ces images. Elles vont être insérées dans un jeu de science participative qui s'appelle Deep Sea Spy et qui est déjà... qui est déjà en ligne. Voilà. On va vous mettre le lien sur le fil Twitter de Deep Sea Spy, parce qu'effectivement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de données à analyser. Donc, c'est aussi à ça que sert la science participative. Mais écoutez, je vais vous souhaiter une excellente campagne de bathygraphie cet été. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux. Merci, Julie Tourol. Merci, Arnaud Gaillot, d'être venu nous parler de la cartographie du fond des océans. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Tom Umdenstock, Alexandre Morales, Natacha Triou, Eve Etienne, Céline Lezen, Noémie Néguet de Saint-Vulfran, Antoine Beauchamp, Olivier Bétard à la réalisation et Marie-Claire Oumabadi à la technique. Demain, après les profondeurs océaniques, nous partirons en orbite terrestre. Qui fait la loi autour de la Terre? Eh bien, personne, peu ou prou. Quelle législation pour l'espace? Ce sera une émission en partenariat avec le numéro spécial espace du journal La Vie. Rendez-vous demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire. C'est l'histoire d'une météorite vieille de 4,5 milliards d'années, ou celle terrifiante de la momie Chachapoya.